Et pourquoi qu'ils sont malins, les petits enfants? Vaste, vaste question que la présence et l'absence des petits-enfants, vaste question à laquelle on répond chaque semaine, chaque jeudi soir à 21h, et oui, c'est l'heure de vraiment autre chose. Vraiment autre chose numéro peut-être 198, on se rapproche des 200, mais surtout vraiment autre chose, toujours le hors-série spécial au pied de la lettre, c'est au pied de la lettre numéro 24. Au pied de la lettre, de quoi s'agit-il ? Eh bien, on l'explique dans tous les épisodes précédents, donc je vous invite à nous écouter plus fréquemment le jeudi soir à partir de 21h sur Radio Radio, ou à partir de 22h30 chez nos amis de la Corrèze sur Bram FM, qui rediffuse cette émission le vendredi. Et on les salue bien bas, bien contents que cette exploration radiophonique soit partagée par le plus grand nombre. Toutes les émissions, vous pouvez les retrouver sur le Mixcloud de Radio Radio ou le blog de Vraiment Autre Chose. Vous tapez Mixcloud Radio Radio ou alors vraiment autre chose haut et fort, vous pouvez écouter tous nos épisodes précédents. Voilà, je ne vous balancerai pas le résumé hyper long que je fais d'habitude sur la Nurse Wound List, juste vous dire qu'il s'agit d'une liste de 292 groupes, musiciens et musiciennes, qui a été établie à la fin des années 70 par le groupe Nurse Wound, que cette liste comporte des groupes très célèbres comme des groupes complètement inconnus et qui ont touché la lumière grâce au fait que cette liste est devenue célèbre, on ne sait pas trop pourquoi. Et nous l'explorons lettre par lettre, c'est pourquoi ces hors-séries s'appellent Au pied de la lettre. Aujourd'hui, nous allons finir avec la lettre J et nous allons attaquer la lettre K. Voilà le programme qui vous attend. Et je dis nous, et ce n'est pas parce que je suis schizophrène, c'est parce que je ne suis pas seul à l'antenne. J'ai le grand plaisir, j'ai presque même envie de parler d'honneur, de partager cette aventure d'exploration radiophonique avec plein de copains et copaines qui viennent en studio, mais aussi avec Nico depuis la Belgique, depuis l'Outre-Quiévrin, Nico Bogaerts, qui officie sur Radio Panique avec son émission Moa Creal Sloa depuis de très nombreuses années, qui est un véritable dictionnaire vivant de la musique et qui travaille beaucoup pour notre émission aussi. Ça fait vraiment plaisir. Il m'a envoyé ses morceaux à 2h du matin, c'est vous dire. Il vous sélectionne le meilleur. Là, aujourd'hui, c'est lui qui va faire le fil rouge autour de Kraftwerk et il s'est vraiment donné du mal pour choisir ce qu'il y a de mieux à écouter dans Kraftwerk et ça ne doit pas être facile sur un groupe pareil. Nico, mais je te souhaite déjà une très très bonne année et puis merci d'être là avec nous. Bonjour Manu, bonjour les auditeurs et auditrices, bonsoir à tout le monde. Oui, c'est déjà l'année passée qu'on s'est entendu la dernière fois. Et ouais, c'est ça. C'est la semaine passée, mais c'est l'année passée. Donc, bonne année à tout le monde. Oui, j'ai eu l'honneur aujourd'hui de vous présenter un peu Kraftwerk, un groupe fantastique, je trouve. La dernière fois, on a parlé de Iblis, un groupe aussi qui venait de Düsseldorf, qui sont pré-Kraftwerk, où il y a des membres dedans qui sont après venus membres de Kraftwerk. Donc, je suis ravi de partager ces idées avec vous aujourd'hui. On commence l'histoire déjà en 68, où que le claviériste Rolf Hütter et le flûtiste Florian Schneider se sont rencontrés lors des cours d'improvisation musicale au conservatoire où ils étudiaient. En 68, avec d'autres étudiants, ils ont fondé Organisation zur Verwirklichung gemeinsamer musikalischer Konzepte. Oui, c'est pas en français, je pense. Donc, c'est un groupe d'étudiants aux structures ouvertes. Hütter, il joue des claviers, Schneider de la flûte. Et en janvier 69, le groupe de 6 membres, influencé par Pink Floyd et Tangerine Dream, joue au Jazz Keller de Krefeld. Donc, en 70, sous le nom d'Organisation, il sort l'album Turn Float chez RCA, un label de cette époque-là, qui le distribue également à l'échelle internationale. 6 mois plus tard, le nom est changé en Kraftwerk, mot allemand signifiant source d'énergie et centrale électrique, et Schneider, qui vient d'un milieu architectural, aisé, acheté son premier synthesizer. En mars 70, après le départ de plusieurs membres du groupe, le batteur Klaus Dinger et Andreas Hohmann le rejoint. Klaus Dinger, on va encore entendre dans les émissions suivantes parce qu'il est devenu après un membre de Neu, donc aussi un grand, un groupe mythique dans des années 70. Et donc, dans un premier temps, Florian Schneider est considéré comme le leader incontesté. Comme dit, pour moi, Florian est le fondateur de Kraftwerk, dit Eberhard Kreinemann, un ami de l'époque. L'idée est venue de lui. Plus tard, Ralf Hütter est devenu le patron du groupe. Donc, c'était toujours un peu... si on regarde un peu à distance, on a eu toujours un peu l'impression que c'est un conflit entre les deux, qui est le leader de la formation. Est-ce que c'est Schneider ou Hütter? Donc, ouais, c'est plutôt pour des gens qui sont très proches d'eux, pour peu le dire, mais voilà. Et donc, les quatre ont enregistré leur premier album, son titre, chez Philips, en septembre 70, qui s'est vendu à plus de 5000 exemplaires, qu'on dit que c'est déjà pas, c'est un chiffre pas mal. Le morceau Rückzug, qui est devenu un succès culte dans le discothèque progressif allemand, a acquis une certaine notoriété en tant que générique de l'émission de télévision allemande Kennzeichen. Je pense à une émission que tu as regardée souvent, Manu, en allemand. ouais, mais... Cela dit, ça raconte quelque chose que tu dis, c'est que vraiment, si on compare par exemple à la France où toutes les musiques un peu progressives, aventureuses ou inspirées du krautrock, etc., passaient pas tellement en radio en Allemagne. Voilà un groupe qui sort son premier album et le morceau devient le générique d'une émission de télé. J'ai l'impression que ces musiques-là étaient beaucoup plus écoutées, beaucoup plus diffusées en Allemagne qu'elles ne pouvaient l'être par exemple en France. Ouais, ça, j'imagine bien, oui, tout à fait. Et donc, ce qu'on va... On va peut-être écouter ce morceau Rückzug de Kraftwerk qui était créé en 70. Et donc, c'est... tu t'es laissé piéger par la fausse fin. Oui, c'était pas cool. J'ai déjà lancé le truc et d'un coup, ça a recommencé. Oh, merde. Magnifique, magnifique morceau. Super. Ouais, c'est super, c'est un fantastique truc. Et là, on voyait déjà aussi un peu l'identité de Kraftwerk. Ok, ça évolue des années d'après, mais on voit encore le. D'un côté que le rock progressif, le krautrock qui s'installe et que déjà un peu le techno de temps en temps, spécialement pour la deuxième partie de morceau, il y a des moments qu'on dit waouh, c'est de techno actuel. Ouais, c'est clair. Niveau rock progressif, tu sais ce que ces gens écoutaient, ce qui les a influencés. Enfin, c'est quoi? C'est King Crimson? C'était juste un an avant. Bah, c'était aussi un peu la scène qui était là. Il y a aussi Cannes, qu'on a en parlé déjà 6 mois de retour, je pense, durant la lettre C. C'était aussi des musiciens de ce entourage. Je pense que c'était des copains, c'est vraiment une scène de beaucoup de musiciens qui étaient là. Et il y a quelque chose dans le terre à Düsseldorf, je pense, qui a motivé, qui a... Ouais, tu vois, je pense aussi à Toulouse qu'il y a peut-être plusieurs groupes de musiciens qui sont là, que l'un inspire l'autre et ouais, ça ajoute des trucs chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. Pour Toulouse, c'est plus dans le jazz expérimental, mais ouais, carrément, effectivement, il y a une espèce de communauté, des musiciens qui se croisent et qui se recroisent et qui s'inspirent les uns les autres, ouais, et voilà. Les uns les autres. Et donc, on le voit aussi un peu dans les membres, qu'il y a changement, il y a des gens qui s'ajoutent, il y a des gens qui quittent et qu'il y a toujours des gens qui l'inspirent, qui donnent des nouvelles influences. Comme après cet album-là, il y a Hütter qui termine ses études d'architecture et qui joue plus avec le groupe durant une petite période, mais avec Eberhard Kreinemann à la basse, violoncelle, Michel Rüther à la guitare et Klaus Dinger à la batterie. Kraftwerk fait sa première apparition à la télévision dans l'émission Beat Club, donc c'est vraiment... Le télévision donne le podium, le place pour ce type de musique. Le batteur Klaus Dinger et le clavériste Michael Rüther quittent le groupe en 71 en formant le groupe Apparente Neu, un groupe fantastique aussi. Donc c'est un peu les trois groupes légendaires de cette époque-là et c'est un des groupes qu'on va encore déborder dans le mois qui vient, le mois qu'on arrive aux lettres N. Donc, aussi quelque chose à dire de cette formation-là. Et à la fin de l'été 71, avec le retour de Hütter, donc il a terminé ses études, Schneider enregistre en 7 jours le deuxième album de Kraftwerk, également son titre qui se vend de 60 000 exemplaires en Allemagne, qui est déjà énorme. Indépendamment des morceaux, les deux albums ne se distinguent que par le fait que l'un a un pylône rouge-blanc et l'autre un pylône vert-blanc sur la couverture. Et on va écouter un de ces morceaux-là. Et ici, j'ai choisi un morceau qui est quand même fort osé, qui est peut-être assez avant-gardiste. Le morceau s'appelle « Atom », donc « Le souffle ». Et c'était sorti en 70 sur le deuxième album de Kraftwerk 2. Thank you. En effet, c'est pour le moins expérimental. Absolument, c'est aussi quelque chose qui revient de temps en temps dans ce formation-là, qu'il y a des choses qui sont dans le rock progressif, dans l'électro, des choses comme ça, mais qu'il ose quand même de dire de temps en temps de passer des trucs, est-ce que c'est encore de la musique ou pas, qui laisse réfléchir des gens. Et je trouve que ça, c'est super chouette d'être dans cet esprit-là, de laisser l'ouverture à toutes les inspirations. Ouais, et je veux bien comprendre que c'est un groupe qui aura marqué Nurse With Wounds, en effet. Absolument, et pas que uniquement eux. C'est clair. Eh bien, on va prolonger cette exploration radiophonique et je reprends la main, comme on dit. Hein, Kraftwerk sera le fil rouge, on va te retrouver entre chacun des groupes. On déroge un peu à la règle parce que d'habitude on respecte quand même l'ordre alphabétique. Mais là, il y a un groupe en J dont on n'avait pas encore parlé. La dernière fois, tu nous avais parlé de Martin Jagovic et sa musique électroacoustique. C'était d'ailleurs assez épatant. Et là, je vais vous parler d'un autre groupe, un groupe britannique qui s'appelle Jan Dukes de Grey. Enfin, Jan, J-A-N, Dukes de Grey. Alors, que dire sur ce groupe ? À la base, c'est un groupe d'un gros groupe de soul des années 60. On est en Grande-Bretagne. C'est 11 musiciens. Le groupe s'appelle Buster Summer Express. On est à Leeds, très précisément, en 1968, très exactement. Et donc, ce groupe-là, il y a un guitariste à l'intérieur, guitariste-chanteur, qui s'appelle Derek Noy, qui décide de quitter le groupe parce qu'il se reconnaît plus trop dans la musique. Et hasard, vraiment chouette hasard, il croise un autre musicien, un trompettiste, saxophoniste, clarinettiste, multisouffleur, qui s'appelle Michael Berstow, et qui, lui, vient faire une audition, justement, pour le groupe que Derek Noy est en train de quitter. Et ils se rencontrent, et il y a quelque chose qui se passe vraiment très, très bien entre les deux, et donc, ils décident de créer leur propre groupe, donc ce fameux Jan Dukes de Grey. Très vite, la réputation de ce duo-là, puisqu'ils jouent vraiment uniquement en duo, est d'être un des groupes les plus originaux du moment. Et ils s'imposent alors qu'ils jouent dans de nombreuses salles et finissent par signer avec un gros label, Decca Records, ce qui leur vaut une première tournée avec Pink Floyd et The Who, rien que ça. Et ce duo, Jan Dukes de Grey, enregistre son premier album donc pour Decca Records en octobre 1969. L'album s'appelle Sorcerers. La musique de Jan Dukes de Grey, comment la qualifier ? Acid folk, en général on dit acid folk ou psyché folk, de la folk qu'on écoute sous acide en gros, hein, mais c'est vrai que ce sont des ambiances très voyageuses. Pas forcément sur cet album-là. Cet album-là, Sorcerers, c'est 18 pistes assez courtes qui vont entre 1 et 4 minutes. On a vraiment l'esprit folk qui y est, l'esprit psyché un petit peu, même si les morceaux sont pas extrêmement longs. Par contre, on retrouve quelque chose qui sera un peu leur marque de fabrique, c'est de passer un petit peu d'un plan à un autre, je dirais pas non plus du coq à l'âne, mais à la manière d'un Frank Zappa ou plus tard dans ma prime jeunesse d'un Mr. Bungle. On a une musique qui va nous amener d'un côté puis partir de l'autre côté. Pas forcément énormément sur cet album-là, mais j'ai trouvé un morceau dans cet album, Sorcerers, le 7e titre, qui s'appelle The Cheering Crowd, qui illustre assez bien tout ce que je viens de vous dire. Donc je vous propose qu'on l'écoute et après je vous raconterai l'album mythique de Jan Dukes de Grey. Pour l'instant, on est sur Sorcerers en 1969 et on écoute donc The Cheering Crowd. Thank you. riding on the deck of a galleon, fighting off Indians. And the canvas cracks like a whip as the wind pulls the sails. Looking up the messing to enter the sky, scraping the virgin cloud. The cheering crowd is just a memory now. Another horizon be different for this is so far away, but still as exciting. Pirate captain smiles in the sun, tragedy has in mind. And the cannons thunder is sung to the men of the sage. Running away from running away, running away from running from running from. The Cheering Crowd, donc tiré de du premier album de Ian Dukes de Grey. Je ne sais pas si on dit Ian ou si on dit Jeanne. D'ailleurs, je vais dire Jeanne, comme ça vous comprendrez bien qu'il s'agit de la lettre J qu'on explore avec la Nurse Wisbund List. Donc ce premier album leur vaut un bon succès, comment dire, populaire, mais pas tellement niveau vente d'album. Il ne se vend pas beaucoup, cet album-là. Par contre, ça tourne au taquet dans les campus. Bah, à l'époque, la musique folk, ça marchait plutôt bien. C'était plutôt une musique dans l'air du temps, et eux amènent vraiment quelque chose de particulier qui s'éloigne de la folk traditionnelle. Vous voyez, il y a quelques rebondissements comme on a pu entendre sur ce morceau. Ça s'entendra surtout sur leur deuxième album, qui est l'album un peu mythique de Ian Dukes de Grey, qui s'appelle Mice and Rats in the Loft et qui sort en 1971 toujours chez Decca Records. Et là, pour le coup, décrire cet album, pour le coup, on est vraiment dans de la psyché, dans l'acid folk, c'est-à-dire qu'on a des morceaux très longs, des morceaux à rallonge, deux morceaux qui avoisinent les 15 minutes. Et on a un peu l'impression que l'album Sorcerers, on aurait collé un peu les morceaux les uns aux autres pour donner ça. C'est-à-dire que ça s'enchaîne, il y a beaucoup de surprises, c'est une musique à tiroir. Alors des fois un petit peu trop à mon goût, je trouve que ça fait vraiment collage par moment et qu'on a l'impression que les plans sont un poil interchangeables. Néanmoins, il y a le titre Sun Symphony qui ouvre cet album, qui dure 15 minutes et qui vaut carrément le coup d'oreille. Je m'arrêterai pas sur celui-là, je m'arrêterai sur le morceau qui clôt l'album et qui est aussi le morceau éponyme, Mice and Rats in the Loft. La pochette est magnifique, c'est un super dessin de maison avec plein de petits détails. Je sais que Steve Tappleton était très... des fois c'est la pochette qui l'a aidé à aller vers la musique. Enfin, cette pochette est trop bien, j'achète le disque et j'écoute. Et effectivement, la pochette est super. Il n'y a pas que ça dans la musique de Ian Dukes de Grey qui a dû inspirer Nurse Wisbund. Bon, c'est beaucoup moins... ça se sent beaucoup moins que sur Kraftwerk, on va pas se mentir, mais il y a quelques petites surprises, quelques petits bidouillages de son par moment, même si on reste quand même principalement dans de l'acoustique. On va donc s'écouter le titre Mice and Rats in the Loft, qui clôt l'album Mice and Rats in the Loft. Cet album là d'ailleurs clôt la carrière de Ian Dukes de Grey, qui ira pas plus loin. Je recite les musiciens, donc on a Derek Noy qui est à la guitare mais aussi à la trompette, au trombone, aux cordes, et qui est l'écrivain et le chanteur. Michael Berstow, donc le deuxième comparse, est à la flûte, clarinette et saxophone. Et ils sont rejoints par un batteur pour cet album, en la personne de Denis Conlan, donc derrière les fûts, pour l'album Mice and Rats in the Loft, dont on va écouter le titre éponyme Mice and Rats in the Loft. On est en Grande-Bretagne en 1971. They took him up to the altar, and the fear showed stark in his eyes. The bombs he's just chanting, and the moonbeams danced on the like lightning, tore him open from chest to gut, and the priest thrust his hand inside and ripped out the still-bitten They slide their way through jungles, they crawl and swarm through swamps. They're the things you can always explain as the wind and the telegraph wires and the mice and the rats and the sounds not just heavy breathing, it's mice and rats and alarms. Écoutez donc Ian Dukes de Grey, le titre Mice and Rats in the Loft. Alors vous me direz, non mais tu parles d'acid folk, de psyché folk, c'était pas du tout ça la couleur de ce morceau. En effet, n'étant pas très très fan des morceaux psyché folk de 15-16 minutes de cet album, je vous ai mis le titre qui clôt et qui fait un peu un contre-pied. Là on se retrouve un petit peu plus proche du rock progressif, voire du krautrock. Il y a quelques petits bidouillages sonores qui sont l'effet batterie qui tombe de part et d'autre. On l'a déjà plus ou moins entendu tout à l'heure dans Kraftwerk. C'est pas du tout la couleur de ce groupe-là. La couleur, elle est plus proche du morceau que je vous ai passé tout à l'heure de Sorcerers, ce qui fait que c'est pas forcément un album que je recommande, mais si vous aimez bien la folk surprenante, c'est plutôt bien fait. J'ai un peu du mal avec la voix du chanteur, sauf sur ce titre, justement, où vraiment, voilà, qui a une couleur très différente et qui est pas vraiment représentative. J'ai un peu triché. Oh, tu as triché. On triche sur la radio avec la musique. Non, ce que je veux dire, c'est que j'aime bien passer un morceau qui représente l'album. En vrai, l'album, il fait 40 minutes et je vous ai passé 8 minutes qui sont un peu à contre-courant du reste. C'est là où j'ai un poil triché. Mais c'est bien leur musique, c'est bien la musique de Ian Dukes de Grey. Et du reste, c'est le dernier titre qu'ils auront enregistré avant de se séparer à la suite de la sortie de cet album, qu'aura pas non plus eu un succès phénoménal en termes de vente, mais... et c'est le cas pour beaucoup de groupes de cette liste, le nom est resté un peu dans l'histoire grâce à la Nurse With Wind List. Et je te laisse la main pour la suite des aventures de Kraftwerk. Oui, merci. On va maintenant continuer. On vient d'arriver en 73. Les deux membres originaux réalisant l'album Rolf et Florian avec la collaboration de l'artiste Emil Schultz. Et à partir de 74, ils forment le groupe avec lequel ils sont connus depuis des années. Rolf Hütter, Florian Schneider, Karl Bartos et Wolfgang Flür. Tous les albums sont produits par le producteur iconique Conny Plank, qu'on a déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs projets, et qui est devenu en partie grâce à cela un producteur très recherché dans les années 70 et 80. Selon Hütter, le groupe n'est pas très apprécié en Allemagne, surtout à ses débuts, dans ce pays où on se moquait de nous, dit-il en 2009. Nous avons même dû en aller des tournées parce que personne ne venait au concert. À la fin des années 60, nous ne pouvions même pas trouver un endroit pour nous produire, raconte Hütter. Nous nous sommes donc faufilés dans le monde de l'art avec The Happening. Donc on peut le dire que ça reste un peu dans l'esprit de Fluxus et toutes des choses comme ça. Malgré cela, Après la sortie Rolf et Florian, le groupe est élu le groupe le plus aimé par le magazine musical allemand Sounds. Et Schneider, instrumentaliste de l'année 73, mais il est surtout populaire parmi ses collègues musiciens. Et je pense que ça explique aussi un peu qu'on vient de dire juste avant, où il vient de l'inspiration et de toutes les choses comme ça. Les premiers albums sont par la suite négligés par le groupe. Ils ne sont jamais publiés officiellement sur CD, c'est important de le dire, et ne sont disponibles que toutes les formes de bootleg. Elles ne sont pas non plus disponibles en ligne et les morceaux n'ont jamais été joués en concert depuis 1976. Selon Hutter, la période précédente, Autobahn concerne une phase de développement précoce. Autobahn est notre premier album conceptuel. Et on va maintenant écouter, j'ai fait un petit truc, je ne sais pas quoi exactement, mais ok. On va maintenant quitter avec deux morceaux de cet album-là de Rolf et Floria. Le premier, c'est Électrische Roulette et le deuxième morceau, c'est Kristall de l'album Rolf et Floria de Kraftwerk qui était sorti en 73 sur le label Philips. Thank you. Waouh. Ouais. En effet. C'est épatant, parce que vraiment, je suis dans le rôle du novice, je découvre complètement Kraftwerk, je connais qu'un morceau de Kraftwerk. Et là, depuis le début, c'est qu'à la fois, c'est étrange et bidouillé, et il y a quand même un sens de la mélodie, à chaque fois, qui est la petite mélodie toute simple. Et là, ouais, mortel ce morceau-là, le petit plan à l'envers, là, en plein milieu, avant de partir sur complètement autre chose, c'est ouf. Et donc, ça fait partie aussi, donc, de leur période pré-Autobahn, et du coup, qui ne jouent pas, qui n'ont jamais ressorti. Voilà, tout à fait. Donc, c'est le dernier album où qu'il travaillait pas avec un concept. C'est à partir de l'album suivant qu'on va en parler plus tard. C'est Autobahn. Et à partir de ce moment-là, il commence avec le concept. Mais avant, c'est tous des morceaux individuels. Et là, on voit aussi qu'il n'y a pas une consistance dans les albums. Donc, ça peut aller dans tous les sens différents. Après, ça change complètement. Ok, d'accord. Et du coup, à ce jour, c'est des morceaux qui n'ont jamais été joués en live et enfin du coup depuis. Oui. Ils jouent encore et souvent je ne sais pas si tu as entendu parler des concerts de Kraftwerk les dernières années. C'est des trucs gigantesques. Mais on revient plus tard à ce niveau-là. C'est fantastique, mais ça reste encore dans des concerts des années 70-80. Ils n'ont pas évolué après, je pense. Ok, bon, on en reparlera tout à l'heure. Uh-huh. Je vais reprendre la main tout à l'heure pour rattraper un manquement. On est passé de la lettre K à la lettre J avec Ian Dukes de Grey. Là, on va vite fait aller parce que j'adore le vrai K. Non, pas du tout. On va passer à la lettre H, figure-toi. Est-ce que tu connais Justin F. Cliff? Non. H-E-T-H-C-L-I-F-F. Bah, c'est normal, il n'existe pas. Et pour autant, on va écouter un titre. Et puis, je vous expliquerai pourquoi cette petite facétie tout à l'heure. On s'écoute Let's All Sing Together, enregistré en 1971 par Justin S. Cliff dans son album éponyme Justin S. Cliff. Shall we sing along? Come. You're the young lovers of students and guards, of cooks and waitresses, of bachelors and spinsters. Shall we sing who sings the best? Let's all sing along. Come, you're the young people of florists and gardeners, of drivers and conductresses, of headers and barbers. Let's see who sings the most. Bientôt 22h sur Radio, 23h30 si vous nous écoutez sur Bram FM en Corrèze chez nos amis qui rediffusent cette émission. C'est au pied de la lettre, les hors-séries de vraiment autre chose autour de la Nurse With Wound List. On vient d'écouter à l'instant un titre de Justin F. Cliff. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce que maintenant, je vais vous parler d'un musicien qui s'appelle Osamu Kitajima. Osamu Kitajima, qui est né le 3 février 1949 à Shigasaki, dans la préfecture de Kanagawa, et qui est un musicien, compositeur japonais, et qui est, pour la petite anecdote et pour les fans de cinéma japonais, je salue les gens de l'équipe de 35 mm de plus, l'émission cinéma sur Radio, c'est le cousin de l'acteur Yuzo Kayama. Voilà. Alors, que dire de plus ? Osamu Kitajima étudie la guitare classique et le piano dès son enfance. Et à la fin des années 60, il intègre avec son frère le groupe de son cousin, donc une affaire de famille. Le groupe s'appelle The Launchers. C'est un groupe de rock japonais influencé par le beat britannique. Ensuite, il obtient son diplôme et compose avec succès plusieurs jingles publicitaires télévisés. On en revient encore à ce rapport entre la télé et les musiciens expérimentaux avant-gardistes. Il part ensuite vivre un an au Royaume-Uni, où il se passionne pour le rock britannique, la musique psyché, fan des Beatles, des Bee Gees, de Jimi Hendrix, de Deep Purple. Il adopte alors le pseudonyme de Justin F. Cliff et collabore avec des musiciens britanniques pour son premier album, donc en 71. C'est ce qu'on a écouté tout à l'heure. Et tout l'album est comme ça, je l'ai écouté, c'est quand même assez marrant. On a affaire à un musicien japonais qui débarque en Grande-Bretagne. On croit vraiment entendre un groupe local qui nous propose une petite pop sucrée, un peu à la Beatles, en moins aventureux, à la King. Wings, hein, moins aventureux, enfin tout ce qui pouvait se faire à l'époque. Bon, l'album est pas du tout remarquable, j'avais juste envie de passer cette petite virgule d'une minute. Tout l'album, c'est des morceaux entre 1 et 3 minutes. Ouais, c'est de la bonne pop anglaise qui n'a pas révolutionné. Si vous aimez la pop anglaise, il devait y avoir beaucoup mieux à l'époque, ne serait-ce que les groupes que j'ai cités. Toujours est-il que Osamu Kitajima retourne au Japon pour étudier la musique japonaise traditionnelle pendant plusieurs années et sort donc son premier album en 1974 sous son vrai nom, donc Osamu Kitajima. C'est sous ce nom-là qu'il fait partie de la Nurse With Wound List. Et cet album s'appelle Benzaiten. On est en 1974. Benzaiten, ça veut dire dieu de la musique et de l'eau. Et on va s'écouter de suite, avant que j'en parle un peu plus, le titre éponyme qui ouvre l'album. Donc on se met de suite dans l'ambiance. Vous allez voir, ça n'a plus rien à voir. Les études de musique japonaise traditionnelle sont passées par là. Et ma foi, c'est très très beau. Donc c'est parti pour Benzaiten, le titre éponyme tiré de l'album Benzaiten. On est en 74 et on est à nouveau au Japon. Et en plus, un fade-out. On vient d'écouter Benzaiten, donc, qui ouvre l'album Benzaiten. Tu connaissais ce monsieur, Osamu Kitajima ? Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est assez intéressant. Je pense que que je viens d'entendre, c'est... Ouais. Eh ben écoute, je te recommande tout l'album. Hein. En plus, c'est marrant, c'est assez progressif, ce morceau-là, la Benzaïten. On entend déjà un peu ce qui fait le sel de cette musique-là et sa particularité. Bon, on a vraiment affaire à un musicien japonais qui est allé chercher du côté de la musique trad japonaise. Donc, on retrouve un petit peu, assez souvent dans cet album, la couleur acid folk et psyché folk. On est vraiment sur de la musique un peu minimale par moment. Là, ce titre-là, on entend encore un peu les influences britanniques par moment. Il y a des plans qui me font penser vraiment à Deep Purple. Je comprends que le gars était influencé. Et ces influences-là, elles disparaissent au fur et à mesure de cet album-là, qui est un album vraiment extrêmement recommandable, Benzaïten. C'est une petite perle. Le morceau de fin, je ne l'ai pas mis parce que c'est un des plus longs, mais sincèrement, rien que pour ce morceau-là, il faut écouter cet album. Je vais citer les musiciens, c'est surtout citer les instruments qui est intéressant. Donc on a Osamu Kitajima qui est producteur, qui fait de la guitare acoustique, synthé, percussion, guitare électrique, koto, biwa, batterie et batterie électronique. Denis Belfield, donc il a encore embarqué des Anglais dans l'aventure, est à la basse. John Harris aussi est à la basse, hein, ça dépend des morceaux. Masako Hirayama est au biwa. Kizaku Kataga est au tsunumi. Encore un bassiste en la personne de Hiromi Osono. Il y a beaucoup de musiciens. George Marinelli est à la guitare électrique. À la flûte, c'était Haruyoshi Osei. Brian Weisskamp au clavier. Tatsuya Sano, quant à lui, joue du shakuhachi. Voilà. C'est quoi? C'est une sorte de flûte. C'est un fantastique instrument. C'est waouh. Il y a plusieurs. Ouais, c'est un instrument vraiment traditionnel du Japon. Ok, et peut-être que tu connais le dernier instrument qui est joué par Yosei Sato et qui est le sho, S-H-O. C'est aussi une sorte de flûte, je pense, si je ne me trompe pas. Ok, enfin vous l'aurez compris à cette énumération, cette liste presque prévertienne d'instruments, que voilà, il y a vraiment ce mélange-là de rock progressif, de musique britannique et aussi de musique traditionnelle japonaise. On a terminé l'exploration de cet album, je vous invite à écouter en entier, hein, ça se fait très facilement sur YouTube et il doit y avoir moyen de télécharger ça quelque part. Je vous laisse vous débrouiller, mais vraiment ça vaut le coup d'y passer du temps et de jeter une oreille à cet album dans son intégralité. On va s'écouter le titre 3 qui s'appelle Tengu, Long-Nosed Goblin. Voilà, c'est parti, donc Osamu Kitajima. Donc pour rappel, on est en 74 au Japon. Yeah. Tengu, Long-Nosed Goblin, donc tiré de l'album de Osamu Kitajima. L'album s'appelle Benzaiten, il est sorti en 1974. Par la suite, Osamu Kitajima, qui ne tient pas sur place, s'installe à Los Angeles. Et donc, très logiquement, ses albums suivants, toujours inspirés par la fusion, hein, c'est son gros truc, la fusion entre les musiques occidentales et les musiques japonaises, on va plutôt partir dans le jazz contemporain, hein, des albums comme Osamu ou alors Masterless Samurai. Puis, il va partir plutôt du côté de la pop et même de la soul. Et par la suite, partira carrément dans le New Age. Donc, voilà quelqu'un qui a beaucoup voyagé musicalement, mais tous ces albums dont je vous parle, ils datent de après la liste. C'est pourquoi nous arrêterons notre exploration radiophonique de l'œuvre d'Osamu Kitajima à cet album, donc Benzaiten, que je recommande particulièrement, notamment le morceau de fin qui est un peu plus acoustique et qui est hyper beau. Et voilà, et je laisse la main à Nico. Juste vous rappeler qu'il est maintenant 22h15 si vous écoutez Radio, 23h45 si vous écoutez Bram FM. Autrement dit, qu'il fait nuit. Et ça tombe bien parce que d'après ce que tu m'as dit, la nuit est une très très bonne alliée de la musique de Kraftwerk. Absolument. Et maintenant, je pense que tu es vraiment heureux parce que ton moment est arrivé. Le moment que tu connais. La percée de Kraftwerk a lieu en 1974 avec l'album Autobahn qui se vend à un demi-million d'exemplaires en Allemagne. Sur cet album, le groupe utilise un mini-moog pour la première fois, le premier titre éponyme d'une durée de 22 minutes et demie est entré dans les charts du monde entier. Autobahn est le dernier album a été produit par Planck, malheureusement, mais ok, c'est le cas. Et là, on voit aussi clairement qu'il y a un changement de direction après. Après quoi que les membres de Kraftwerk ont repris la production de leur album eux-mêmes. Depuis Autobahn, ce sont toujours des albums concept, des thèmes autour de lesquels tout est construit. Encore relativement récent, dans les années 70, les autoroutes font de plus en plus partie de la vie quotidienne en inspirant la culture des jeunes. Et on va écouter donc ce morceau éponyme fantastique Autobahn qui dure 22 minutes 30 secondes et qui était sorti en 1974 sur le label Philips. Thank you. fahren auf der Autobahn. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Radio an, aus dem Lautsprecher klingt es dann. We'll be right back. Chouette, je pense. Donc, c'était Autobahn de Kraftwerk, une production qui était sortie en 1974. Et c'était aussi le tout dernier album, je pense, sur le label Philips. À ce moment-là, il arrête de continuer avec Philips, qui continue de sortir, je pense, sur un propre label. Et aussi Connie Plank qui arrête de produire ces albums-là. Et donc, c'est, je pense, aussi le dernier album où que la musique psychédélique est encore impliquée. Après, ça disparaît complètement. Oui, alors c'est marrant, comme t'en parlais tout à l'heure, j'étais regardé vite fait tous les groupes avec lesquels Connie Plank avait pu travailler. C'est assez extraordinaire. C'est une liste à part entière. Faudrait peut-être faire des émissions autour, mais donc effectivement, il y a Ashra Temple dont on avait parlé plus tôt dans la liste. Aussi, il y a Guru, qui faisait partie de cette liste-là. Sinon, on retrouve Killing Joke, Nina Hagen, Erstuzen de Neubotten, Eurythmics. Mm-hmm. Grande surprise, ils ont bossé avec Eurythmics, puis plus tard d'ailleurs avec Annie Lennox en solo, avec Neu, comme tu le disais, avec Astor Piazzolla, ça je suis vraiment curieux, avec les Rita Mitsuko aussi, avec Scorpions, avec Sweet Smoke. Et là pour le coup, tout à l'heure je me disais qu'il y avait des plans un peu à la Sweet Smoke dans un des premiers morceaux que t'as passé de Kraftwerk, comme ça, c'est ces plans hélicoptères là avec la batterie qui tourne à droite et à gauche. Et ben ouais, d'accord, et c'est lui qui a bossé sur l'album de Sweet Smoke notamment, et avec Brian Eno. La liste est hyper longue, mais en fait voilà, un producteur qui avait vraiment sa touche et qui a apporté quelque chose dans les musiques qu'il a produites. Oui, il y était, je pense, maintenant c'est presque 5 ans de retour, il y a un documentaire qui était créé autour de Connie Plank. Je te recommande aussi de voir le film si tu as l'occasion de le voir quelque part. N'hésite pas de le faire. Eh ben, je vais essayer de me rejeter dessus. Je reprends la main, mais pas forcément pour très longtemps, parce que je ne vais pas te cacher que le groupe dont je vais parler maintenant, hein, on a dit qu'on fait cette liste, et même quand on n'aime pas trop, bah, on en parle. Je vais vous parler d'un groupe suisse qui s'appelle Crocodile, avec un K. Et ça après Autobahn, ouioioi. Ben écoute, c'est comme ça, mais je vais pas m'y attarder très longtemps par contre, parce que vraiment, pour le coup, il y a pas photo, hein. C'est un aimable groupe suisse de la fin des années 60, groupe de blues rock qui a sorti 3-4 albums. Leur troisième album, pour le coup, devenait un petit peu plus psyché. Bon, j'ai essayé de trouver quelque chose qui m'accrochait, j'ai pas trouvé, donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qui fait que Steve Stapleton a mis ce groupe-là dans sa liste? Mon sang, mais c'est bien sûr, il doit s'agir de la pochette. Donc j'ai pris l'album qui avait la pochette la plus sympa. Donc on est en 71, l'album s'appelle An Invisible World Revealed, un monde invisible révélé. Donc la pochette, on voit des volcans, il y a justement un crocodile dont la tête émerge au premier rang d'une espèce de marais, il y a un château un peu impressionnant au fond, il y a une fusée aussi qui passe dans un ciel bleu. C'est pas la pochette du siècle, mais c'est de très loin la plus belle pochette qu'ils aient sortie. Donc je pense que c'est ça qui a tapé dans l'œil de Steve Stapleton. Et je me suis mis dans sa tête, je me suis dit, bon, ben, pourquoi il a mis ça dans la liste? Je pense qu'en fait, il a dû juste dire, la pochette est géniale, j'écoute le premier morceau, bon, allez, c'est bon, ça passe. Et hop, je le mets dans la liste. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc je vais vous faire écouter le titre qui ouvre l'album Invisible World Revealed, qui est, bon, je dirais le moins pire album de Crocodile. C'est celui qui est le plus psyché, en tout cas. Il y a des morceaux qui durent une quinzaine de minutes. On va un petit peu chercher du côté de la musique orientale. Il y a des tablas, des trucs comme ça. Bon, il n'empêche que ça a vraiment pas inventé l'eau chaude. Mais on va néanmoins, dans un souci déontologique et journalistique, écouter. Donc, Lady of Attraction, donc le titre qui ouvre l'album Invisible World Revealed de Crocodile. Et je vous en reparlerai très vite juste après. Allez, c'est parti. Yeah. Ça se termine par un fade-out, mais c'est quand même pas un morceau inoubliable. Lady of Attraction, c'était donc le groupe Crocodile. Que vous dire de plus ? Ce groupe se sépare en 1976, et pour la petite anecdote, 45 ans après, Doud Durst, le batteur et chef d'orchestre, graphiste aussi d'ailleurs, de cet album-là, de Crocodile, décide de ressortir Invisible World Released sous le nom Invisible World Revealed, donc voilà, il ressort Returns, pardon, Invisible World Returns, donc en 2020, cet album-là ressort en fait. Les musiciens, il y a trois musiciens d'origine, plus des petits jeunes, et puis ils ressortent cet album-là, avec en partie des morceaux de cet album et quelques nouvelles compositions. J'ai pas été jusqu'à l'écouter, c'était pour la petite anecdote. Je pense qu'on peut refermer la parenthèse de Crocodile et replonger à corps perdu dans Kraftwerk. Tout à fait, on va continuer avec Kraftwerk, avec la suite d'Autobahn, Radioactivity, Radioactivité. Kraftwerk ne peut réintégrer le succès sauf en France, où le morceau titre atteint la première place des charts. Oui. L'album est à la fois une ode à la radio, en utilisant des extraits d'émissions de radio comme base de chansons telles que Ares, à l'énergie nucléaire notamment, et incorporant le son d'un compteur Geiger dans la musique. Et c'est ce qu'on va écouter. On va maintenant écouter deux morceaux ensuite. Le premier, c'est un Geiger counter qu'on va écouter, et ça enchaîne directement un autre morceau qui est en fait, pour moi, c'est un seul morceau.

Et voilà, on vient d'entendre deux morceaux, Radioactivity et Geiger Counter de Kraftwerk, qui est sorti en 75 sur le label Capitol Records, et c'était l'album Radioactivity. Des photos publicitaires sont prises à la centrale nucléaire néerlandaise de Dodewaard à des fins de promotion. Ce n'est que bien plus tard, avec une version éditée de le morceau titre sur l'album compilation Le Mix de 1991, mieux, que le message devient explicitement antinucléaire, comparant initialement les catastrophes et accidents nucléaires de Tchernobyl, Harrisburg et Sellafield à l'attaque d'autres atomiques américains sur Hiroshima. En 1992, le groupe s'est produit en Grande-Bretagne lors de la manifestation antinucléaire contre la centrale nucléaire britannique près de Sellafield. En direct, le morceau de depuis était précédé à une intro parlée électronique citant le risque d'énergie nucléaire. Après les catastrophes nucléaires de Fukushima en 2012, les paroles de la chanson sont à nouveau modifiées en direct, remplaçant Hiroshima par Fukushima. Excuse-moi. Et on va écouter un dernier morceau de cet album-là. On va écouter le morceau Antenna, encore de l'album Radioactivity de Kraftwerk, qui était sorti en 1975. Il est à présent 23h02 sur Radio Radio ou alors minuit 32 sur Bram FM, ou alors il est l'heure qu'il est si vous nous écoutez en podcast sur les Mixcloud de Radio Radio. En tout cas, vous écoutez vraiment autre chose. 198e édition et c'est le 24e épisode d'Au pied de la lettre, la tentative d'exploration radiophonique de la Nursery Zone List. Nous sommes sur la lettre K avec un très très gros focus sur Kraftwerk et on vient d'écouter Antenna. C'est Nico qui nous en parle. Oui, c'était... On voit clairement que Kraftwerk a aussi une vision incroyable parce qu'il parle déjà des sujets qui sont devenus beaucoup plus importants 10, 20, 30 ans plus tard. Donc, des visionnaires, on peut dire. Hein. Antenna, pareil, ça parle des ondes bah non, c'est autour de... ouais, c'est, comme expliqué juste avant, c'était plutôt... ils ont pris des mots d'une émission de radio, toutes des choses comme ça. Mais l'idée de l'album Radioactivity, c'est quand même un concept assez très fort, que le problème de l'activité radio qu'on a actuellement, c'est fort. Ouais, c'est clair que oui, effectivement, c'est des thématiques qui sont en plein dans l'air du temps. Encore que, bon, apparemment, les gars aimaient bien les autoroutes, mais par contre, détestaient les centrales nucléaires. Mais oui, c'est clair, précurseur, oui. Et puis, on pourrait aussi parler de la musique, parce que là, on a l'impression d'entendre des choses des années 80, des années 90, voire de maintenant. Enfin, c'est très actuel comme son, au final. Oui, absolument, absolument. Mais je pense que la chose qui est très... assez fort de Kraftwerk, c'est ils ont créé leur propre son. Qu'ils ont pas, au départ, ils étaient encore inspirés de la musique psychédélique, le psychédélisme et toutes des choses comme ça. Mais après, ils ont trouvé leur propre place sans trop changer. Donc, ils ont enlevé des choses, mais ils ont trouvé leur. Ouais, la technologie. Ils ont vraiment un des premiers qu'ils ont utilisé tous des appareils électroniques et de faire quelque chose unique avec ça, pas justement copier comme beaucoup des gens actuels le font, qu'il y ait de nouvelles technologies, mais tout le monde utilise la même chose, le même truc, les mêmes choses. Mais avec Kraftwerk, ils ont créé leur propre son, je pense. Ouais, tout en gardant vraiment un sens de la petite mélodie toute simple qui reste en tête et qui part pas, quoi. C'est assez fou. Même quand les développements sont complexes et les morceaux très longs, il y a toujours la petite mélodie entêtante qui revient. C'est hyper agréable. Ouais, tout à fait. Et je pense que tu as encore quelque chose à nous présenter, dernière. Je vais me rattraper là, par rapport à Crocodile. je vais parler de Cluster, Ensemble Cluster, avec un K, K-L-U-S-T-E-R. Donc, c'est Ensemble Cluster, c'est pas un espèce de slogan du gouvernement datant d'il y a 2 ans pour nous dire qu'il fallait pas être à plus de 4 quelque part, pas du tout. On parle pas du tout du même type de cluster. Et alors, c'est marrant, parce que tout à l'heure, tu te disais, il y a un truc bizarre dans la Terre à Düsseldorf, puisqu'on reste en Allemagne. Alors, je ne sais pas si c'est dans la Terre à Düsseldorf, mais il y a l'Académie des Beaux-Arts et il y a notamment Joseph Beuy qui enseigne à l'Académie des Beaux-Arts, ouais. Et qui a parmi ses élèves Konrad Schnitzler. Alors, je vais galérer. Schnitzler. Schnitzler, merci. C'est meilleur que moi en Allemagne, en allemand. Konrad Schnitzler, voilà, qui est donc un musicien, donc qui fait partie de cette Académie des Beaux-Arts et qui ensuite devient une figure clé de la scène artistique underground à Berlin à la fin des années 60, fait partie notamment pendant un moment de Tangerine Dream. Et il participe à la formation d'un groupe qui s'appelle Art Libre Zodiac en 1968, avec entre autres Hans-Joachim Roedelius. Et là, on est justement, sans parler de Fluxus, en tout cas, on est à mi-chemin entre la composition et l'expression musicale, et aussi le happening et... Et une partie textuelle aussi qui est assez importante dans ce groupe-là. Et Schnitzler rencontre par la suite Dieter Moebius, un autre élève justement de Joseph Beuy, et lui propose de devenir le troisième membre du groupe qui va former Ensemble Cluster, donc en 1969. Voilà, donc cette musique, la musique de ce trio reflète directement l'esthétique de la forme libre, des arts libres Zodiac, dont je parlais tout à l'heure. Donc on a affaire à des grosses, grosses performances d'improvisation. Et alors, ils sortent 2 albums, Club Schweiz, oh là là, Club Schweiz, Klopfscheisen et Osterei. Et ces deux albums qui voient le jour, parce que Schnitzer remarque un article de journal, dans le journal, à propos d'un organiste d'église qui est intéressé par, pour produire de la musique. Et en fait, ces deux albums sont produits et publiés en accord avec, avec l'église. Et dans les textes qu'on va entendre, il y a un côté très religieux. Je ne comprends pas l'allemand. Peut-être toi, tu pourras traduire un petit peu. Et je vais donc m'arrêter sur leur premier album. Qu'est-ce que je galère ? Klopfscheisen, sorti en 1971, si je ne dis pas de bêtises. Il y a deux morceaux, Cluster 1, Electric Music and Text, et Cluster 2, Electric Music. Et là, je vais citer un blog. Des fois, je vais chercher mes inspirations, mes infos dans un blog. Là, j'ai trouvé ça très bien écrit, donc je vais vous lire tel quel la description de la musique que j'ai trouvée dans ce blog. Bien qu'il s'agisse d'un morceau de musique continue divisé en deux moitiés, la première moitié se distingue facilement par l'apparition de divers poèmes d'auteurs différents, lus par Christa Runge, qui était l'épouse de Konrad Schnitzler. Étape d'un voyage à travers les ténèbres, à travers la folie. Celle-ci peut être considérée comme une interprétation très avant-gardiste des leaders ou la fusion de deux médiums dans un nouveau type d'art de la performance. Quel que soit le design original, s'il en existait un, l'effet n'est pas oublié de sitôt, plongeant dans des recoins encore plus sombres que ne l'avait osé Tangerine Dream. En fait, c'est une sorte de cauchemar mandarine. Il n'y a pas de progression car il n'y a ni début ni fin. Des sons surgissent, disparaissent. L'œil est frappé de mutisme dans le noir et l'auditeur voit avec ses oreilles. Peut-être entendez-vous le son d'une flûte qui s'échappe comme de la vapeur d'un tuyau fissuré. Peut-être qu'un violoncelle est recroquevillé dans un coin imaginaire en gémissant pour s'apaiser. Il n'y a que toi et la noirceur et le son. Comme les maisons amusantes d'autrefois, ce n'est pas ce qui se cache dans l'obscurité, mais ce qui se cache en nous que l'obscurité libère. Donc je vous invite une fois de plus, comme l'avait proposé Nico tout à l'heure, à éteindre la lumière, hein, il est tard. Ça fera des économies d'énergie d'ailleurs, c'est très bien, c'est dans l'air du temps. Éteignez donc la lumière. Ne coupez pas la radio. Coupez pas l'internet. On va donc entendre les musiciens, donc Konrad Schnitzler qui est performeur-composeur, Joachim Roedelius, pareil, Dieter Moebius, pareil. Donc les trois musiciens de l'ensemble Cluster avec un K, je précise. Je reviendrai tout à l'heure, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est important qu'il y ait un K dans cet ensemble Cluster. On s'écoute donc la première face donc, de cet album dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Le titre c'est Cluster 1, Electric Music und Text. C'est parti pour un voyage de 23 minutes et n'ayez pas peur, c'est juste sublime. Vraiment, c'est magnifique ce qu'on va écouter maintenant. Ça vaut le coup de s'être tapé 4 minutes de crocodile pour entendre une si belle chose maintenant. Allez, je vous laisse en compagnie de Cluster. Unser Mut heißt Mut, unser Mut heißt Mut, unsere Kraft heißt Kaufkraft, unsere Kraft heißt Kauf, unsere Bildung heißt Vermögen, unsere Bildung heißt Vermögen, unser Bewusstsein heißt Verbraucherbewusstsein heißt unsere Moral heißt Arbeitsmoral, unser Bedürfnis heißt Ruhebedürfnis, unser Verständnis heißt Einverständnis, unser Wille heißt nicht Wille zur Macht, unser Fall ist ein Ernstfall, ist ein Ernstfall. Unser Mut heißt Kraft, unser Mut heißt unsere Kraft, unsere Bildung heißt Vermögensbildung, unsere Bildung heißt Bewusstsein heißt unsere Verbraucherbewusstsein, unser Bewusstsein heißt unsere Moral, unser Bewusstsein Arbeitsmoral, unsere Moral heißt Arbeitsmoral, unsere Moral heißt Arbeitsmoral, unser Verständnis heißt unser Verständnis heißt Verständnis, unser Wille heißt unser Verständnis heißt Einverständnis, Wille zur Macht, unser Wille heißt unser Wille zur Macht ist ein Ernst, unser Fall ist ein Ernstfall. drücke beide Augen zu, denn ich werde geführt. Ich stelle mich taub, denn ich traue meinen Ohren nicht. Ich rieche keine Lunte, denn ich habe die Nase voll. Ich gebe meine Stimme ab, ich habe sie nie gebraucht. Ich erkenne mich schuldig der Erregung öffentlichen Ärgernisses durch freie Meinungsäußerung. Ich bekenne mich schuldig der Konspiration mit meinem Gewissen. Ich bekenne mich schuldig des Verstoßes gegen die öffentliche Unordnung. Ich bekenne mich schuldig der Begünstigung des Fortschritts. Ich bekenne mich schuldig der Verführung Abhängiger zum Denken. Ich bekenne mich schuldig des Attentats auf die Gleichgültigkeit. Ich bekenne mich schuldig der Beihilfe zum Mord geheiligter Tabus. Ich bekenne mich schuldig des Aufrufs gegen die Ungerechtigkeit. Ich bekenne mich schuldig der Anstiftung zum Frieden. Ich bekenne mich schuldig des Fluchtversuchs aus dem Mittelalter. Mühselig und beladen, mit Gebrechen des Aberglaubens, kriechen wir zu Kreuze, durch Asche von Scheiterhaufen, stehen auf und wandeln an den Krücken der Geduld, mit geschändeter Stirn zurück in die Siechenheime. Mühselig und beladen, mit Unrat und Untat, schlagen wir uns durch die Dschungel der Märkte, die uns rauben den Schlaf und einschläfern unsere Wachsamkeit, während die Freiheit versteigert wird. Mühselig und beladen, mit der Bürde der Menschenwürde, marschieren wir im Stechschritt über Schlacht und Friedhöfe hinein in die Warteseele, wo die Unruhe tickt. Aber die Uhren geben keine Auskunft mehr. Einsicht ist gestundet, der Frieden vertagt, die Mitschuld verjährt, die Karenzzeit verewigt, das Unvermögen hat sich verzinst, der Wechsel ist fällig. Gute Nachrichten aus. Der Unterhändler weigert sich, den Krieg zu erklären. Nicht krümmt sich der Finger am Abzug des Gewehrs. Die zornige Hand findet das Messer nicht. Zu explodieren verlernen die Bomben. Die Generale haben sich zum Golfspielen entschlossen. Das verleumderische Wort bleibt hinter die Lippen gepresst. Diktatoren öffnen die Straflager. Andersdenkende werden geachtet. Die Rasse ist nichts als ein Unterschied in der Farbe der Haut. In den Folterkammern wird Brot gebacken. Galgen und Henkerbeil ziehen sich zurück ins Museum. Gespräche über den Frieden haben Aussicht auf Erfolg. Die Grenzen werden geöffnet. Versuche, den Streit zu schlichten, gibt man nicht auf. Man fängt an, die Wahrheit zu sagen. Man lässt den Gegner zu Wort kommen. Man schließt Kompromisse. Man lächelt über sich. Man fängt an. holt den Sohn vom Bahnhof ab. Er kommt. Man weiß nicht genau mit welchem Zug, aber die Ankunft ist gemeldet. Es wäre gut, wenn jemand dort auf und ab ginge, sonst verpassen wir ihn. Denn er kommt nur einmal. In dieser Nacht verließen die Sterne ihre angestammten Plätze und zündeten Lärmfeuer an, überschallschnell. In dieser Nacht verließen die Hirten ihre Arbeitsstellen und schrien sich in die verkrusteten Ohren die neuen Parolen. In dieser Nacht verließen die Füchse die wärmenden Höhlen und der Löwe wiegte den Kopf. Das ist das Ende, die Revolution. In dieser Nacht liefen die Rosen der Erde davon und fingen das Blühen an im Schnee. Mein Schneckenhaus todangst geschwitzt, zu einer Spirale aus Salz, zu dir hin, Durst. Seinen Flügeln die Die Strömung riss er ab. Kurz vor dem Motelbalkon in Memphis. Nicht auszudenken. Er kommt pünktlich, um den Stein abzuwälzen. Vous êtes toujours sur le 106.8 de Radio Radio, ou alors sur Bram FM dont je connais pas l'onde, ou alors vous êtes sur Mixcloud, enfin bref, qu'importe par quel biais vous écoutez toujours vraiment autre chose, 198e émission. C'était à l'instant Cluster, l'ensemble Cluster avec un K, donc on a écouté la première partie de leur premier album Klopfscheisen, sorti en 1971, c'était Electric Music und Text. La deuxième partie, la phase B, bah, c'est un petit peu la suite, à part qu'il n'y a plus de texte et qu'il y a une guitare qui est un petit peu plus présente, pas spécialement en mode solo, mais plutôt en mode petit bruit ou guitare plaintive, qui est très très beau morceau aussi, hein. Ça n'a pas été facile de choisir, mais j'ai pris celui-là. Bon, j'imagine que Cluster Ensemble, Nico, tu connais. Absolument, tant que c'est... Bah, on vient de parler de Connie Plank, et c'est lui qui est l'ingénieur du son de Cluster, donc... Et oui, mais qui restera toujours très présent pour ces musiciens-là. Le groupe va se séparer en 76 pour se reformer brièvement de 2007 à 2011 jusqu'à la mort de Konrad Schnitzler. Mais à la séparation du groupe, Joachim Roedelius et Dieter Moebius, eux, vont continuer un groupe ensemble qui s'appellera aussi Cluster, mais avec un C. Cette fois-ci, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'orthographe. Pour travailler, bien sûr, avec Connie Plank. Ils ont fait pas mal d'albums solo. Toujours produit par Connie Plank, effectivement, c'est un monsieur qui aura marqué l'histoire des musiques expérimentales et étranges en Allemagne et ailleurs. Absolument. T'imagines comment la musique était évoluée si Connie Plank n'était pas décédé en 87? Ouais, carrément, ouais. C'est clair qu'il a amené, ça me donne presque envie de réécouter l'album d'Erita Mitsuko, où c'est lui qui a bossé, juste pour voir si on retrouve sa petite touche. Et... Bah, du reste, je te laisse la parole pour la suite des aventures de Kraftwerk, mais je te cache pas que pour l'instant, ma période préférée serait peut-être celle où il y avait Connie Plank, justement, franchement. Ouais. Mais écoutons la suite. Donc, on vient déjà d'arriver à 77, je pense, hein, c'est quelque chose comme ça. Donc, tous les albums depuis Autobahn ont été créés et largement enregistrés dans le studio de Kling Klang de Kraftwerk, dont l'emplacement est jalousement gardé secret. Le studio décrit par Hüttler comme une grande pièce et un atelier où l'on construit des instruments et on enregistre de la musique. Longtemps était situé dans un cours de la Mintrustrasse 16 au cours de la Düsseldorf. Depuis le début du siècle, le studio serait situé dans le banlieue Osterrad, près de la résidence de Schneider. Les enseignements ont également lieu dans les studios de son régulière à Londres, Berlin, Düsseldorf et Los Angeles. Entre autres, aux Pays-Bas, le groupe utilise des studios Wisseloord à Hilversum pour les enregistrements de Radioactivity et Trans-Europe Express. Au Paradiso, le 11 septembre 1976, le morceau Trans-Europe Express est interprété pour la première fois, précurseur de leur nouvel album. La chanson apparaît sur l'album Trans-Europe Express en mars 1977, qui a pour le thème « Le chemin de fer ». Et les voyages, en 83, le motif de ce morceau a été utilisé, sans l'autorisation du groupe, par le DJ new-yorkais Afrika Bambaataa pour sa pièce Planet Rock, l'une des premières chansons hip-hop. Les enregistrements de l'album Trans Europe Express ont été suivis par David Bowie et Iggy Pop, et il a été question d'une collaboration, cette rencontre est mentionnée dans les paroles de la pièce Trans Europe Express. Wir laufen rein in Düsseldorf City und treffen Iggy Pop und David Bowie. En 77, Bowie a dédié un morceau largement instrumental V2 Schneider de l'album Heroes de Florian Schneider, membre de Kraftwerk, mais on ne sait pas si elle a collaboré à ce morceau, peut-être te laisser, Manu. Non, je ne saurais pas plus. Je t'avoue que Bowie, je m'arrête un peu avant Heroes. Je connais surtout les tout premiers albums. Voilà. Je pense que maintenant, on va écouter ce fameux morceau de Trans Europe Express, de cet album-là, Trans Europe Express, qui était sorti en 77 sur leur propre label Kling Klang. Europa Express. Europa Express Kraftwerk sur Radio Radio, raconté par Nico Bogertz. Voyez, donc on arrive à j'entends quelque chose, j'entends un écho. Ouais, c'est bon, c'est coupé. Ouais. Voilà. donc j'avais laissé les retours en fait. Hein, ok. Pour tout te dire, je mets la musique à fond quand on parle pas et que les micros sont coupés. J'ai oublié de les éteindre, mais ça permet de bien profiter de cette musique. Ça s'écoute à fond, ça s'écoute dans des belles conditions et c'est chouette. Voilà, tout à fait. Donc, après l'album Trans-Europe Express, comme il le prononce, c'est en 77 que cet album-là est sorti. Et l'album suivant, c'est l'album de Man Machine, Mensch-Maschine de 1978 contient les singles de Robot, Die Roboter et The Model, Das Modell, qui deviendrait le plus grand succès de Kraftwerk. Le grand magazine musical britannique, le grand magazine musical britannique Enemy a qualifié l'album de l'un des points culminants de la musique rock des années 70. L'album n'est pas un grand succès commercialement, atteignant tout juste le top 10 des albums au Royaume-Uni. Mais pour nous, on s'en fout des charts, des trucs comme ça. On est plutôt inspiré et intéressé de la musique. Et on va écouter maintenant deux morceaux de cet album-là. On enchaîne avec deux morceaux. Le premier, c'est « Die Roboter ». Et le deuxième, c'est « Die Menschmaschine ». Tous les deux viennent de l'album « Die Menschmaschine » qui était sorti en 78 sur le label « Kling Kling ». Я твой работник. Et voilà, c'était Die Mensch-Maschine et die Roboter de l'album Die Mensch-Maschine de 1978. Et oui, après ça, ils ont encore sorti en 81, je pense, un dernier album, pas un dernier album, mais encore un original qui s'appelait Computer Welt. Mais ça, c'est encore en dehors de la liste Nurse with Wound. Et en 2003, ils ont quand même créé un album éponique pour la France, parce qu'ils ont créé un album qui s'appelle Tour de France. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, Manu. Mais pas du tout. Pas du tout. Dis-moi un petit peu plus. Je ne sais pas beaucoup, mais c'est justement qu'ils étaient, je ne sais pas pour quelle raison, qu'ils étaient invités, ou je ne sais pas si ils étaient invités de créer un truc pour le Tour de France. Et qu'ils ont créé un soundtrack et plusieurs morceaux de Tour de France de Kraftwerk. C'est pas mon truc préféré, pas du tout, mais peut-être pour des gens de la France qui vont l'adorer. En tout cas, ils sont passés des autoroutes au vélo, c'est bien. C'est... Ouais, tout à fait. Ouais. Aussi, ils existent encore, mais c'est pas la même chose que j'ai eu une fois l'occasion de le voir live. C'est déjà, je pense, une dizaine d'années. Et c'était quand même un truc très spécial. Parce que, comme on dit au départ, comme ils disaient qu'au départ, c'était compliqué pour eux de trouver des concerts, d'avoir une audience pour venir, de voir des trucs. En 2010, ils ont trouvé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, mais il y a quand même, ils ont trouvé quelqu'un, un promoteur, pour faire des concerts. Ils ont joué devant des salles de 10, 15 000 personnes, 20 000 personnes. Je me souviens à un moment que j'étais voir, parce que je ne disais pas que j'étais un fan, mais quand même, on voulait de voir une fois jouer ce groupe mythique. Et qu'ils étaient dans cette période-là, dans l'année 2010, je ne sais pas quelle année exactement, j'étais à Hollande, je pense que c'était à Eindhoven. Et là, j'étais quand même fort surpris parce que ce jour-là, ils donnaient deux concerts. Je ne sais pas l'heure exactement, mais on va dire qu'à 16h, ils donnaient le premier concert qui durait 2h, 2h30. Et 2h, et une heure après, ils donnaient un deuxième concert. Et ah ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné une chose de... je pense qu'ils ont environ 8 albums qui étaient sortis et qui disaient, OK, on va choisir pour la première partie les premiers 4 albums. Et donc, le concert est justement tous les morceaux qui venaient de ces premiers 4 albums. Et le deuxième concert, c'était l'album 5 à 8. Et pour rentrer, on rentre dans la salle, on reçoit un lunette 3D, donc ça veut dire avec le truc rouge et vert, pour créer un peu la dimension de 3D. Les images qui étaient projetées, c'était vraiment des images, des premières images qu'on voit dans... des ordinateurs qui étaient créés, des trucs bougeants, des trucs comme ça. Donc, c'était vraiment laissé dans cet esprit-là. C'était chouette de le voir, mais c'était quand même... c'est pas très convaincant. Mais on a vraiment constaté que c'est devenu un truc vraiment commercial parce que c'est une salle, et je pense que je ne sais pas le nombre exact, mais je pense qu'on était environ avec 10 000 personnes pour voir le spectacle. Donc, on rentrait avec les 10 000 personnes, le concert est terminé, et on sort de notre porte, parce que dans l'autre côté, il y a déjà l'autre public qui rentre pour le deuxième show. Wow, ok. Et, et on passe dans un truc où il y a justement tout le merchandise qui était là, super cher, tous les trucs comme ça, et on dit, mais allez, ouais, c'est devenu un truc, ok, je comprends bien, parce que pour eux, au podium, il n'y a rien à voir. Donc, on a 4 personnes sur stage, mais qui sont derrière leur synthesizer. Donc, c'est en ligne, on a 4 personnes. Et ils touchent justement leur ordi. Rien d'autre, il n'y a rien qui bouge. C'est très statique. C'est vraiment un truc... Et on a l'impression que c'est des robots qui jouent et c'est tout. Ouais. Bah, c'était du même, ils jouent comme ils ont des robots, et c'était ça. Donc, ok, c'était chouette de le voir une fois, mais pour retourner une deuxième fois pour voir le reste, non. Ouais, je comprends. Mais du coup, quand tu dis qu'ils ont commencé par les albums 1 à 4 et puis 5 à 8, ça veut dire que cette fois-ci, ils ont joué les premiers albums qu'ils avaient bannis de leur répertoire ou non, ils commencent après Autobahn? Non, c'est à partir du premier. Ok, d'accord. Donc les morceaux qu'on a entendus, mais d'accord, on réorchestré. Ouais, ils ont fait un choix de plusieurs morceaux et aussi quelques morceaux de tube qui voulaient que chaque. Tout le monde pourrait l'entendre aussi, tu vois. Si qu'on voulait voir Kraftwerk, on souhaiterait quand même d'entendre quelques morceaux clés. Et souvent des morceaux qui durent 5-6 minutes, pas un morceau de 20 minutes. Hein. Ok, donc une version raccourcie d'Autobahn, par exemple. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. C'est déjà plus que 10 ans. Et, ouais, peut-être que je ne me souviens plus. Ouais, bon, du reste, en fait, ce que tu m'expliques, c'est qu'ils ont tourné comme pas mal des groupes, à vrai dire, de l'époque et qui tournent encore, donc vachement de merchandising, le set spécial pour les fans où il va y avoir les tubes. Ouais, je vois. Donc, effectivement, à part les lunettes, à part les animations 3D, il n'y avait pas grand chose à voir. Donc, vaut mieux l'écouter en album, quoi. Ouais, tout à fait, parce qu'aussi, dans cette période-là, il était annoncé qu'il y a un concert de Kraftwerk. Mais une fois qu'on a vu ce que c'est, c'était aussi, on voyait toutes les dates où qu'ils jouaient, et c'était environ 70-80 dates qui se suivaient dans toute l'Europe et aux États-Unis aussi. Donc, et les gens venaient vraiment pour le voir parce que durant des années, ils n'ont plus joué, ils n'ont plus rien entendu, et d'un coup, ils jouaient, et donc, tout le monde voulait le voir, tu vois. Oui, je comprends. Ouais. Puis d'un côté, je ne sais pas quel âge ils devaient avoir, mais soit 80 dates, donc des fois deux concerts le même jour, je comprends que les gars, ils ne bougeaient plus trop. Punaise, mine de rien. Oui, mais il n'y a rien à voir. Tu vois, on pourrait dire que c'est presque un bond sonore qui se passe et que peut toucher de temps en temps sur un bouton. C'était presque ça. Et il y a quelqu'un qui chantait, mais c'est pas très, pour moi, ce n'était pas très clair. Est-ce qu'il chante vraiment ou c'est aussi... déjà pré-enregistré, c'était pas, ouais, c'était très flou et ouais. Ok, donc pas un super souvenir. Ouais, je garde le mémoire de ce concert, hein, mais j'étais pas envie de revoir une deuxième fois. J'étais content de le voir une fois. Tu vois, c'est quelque chose qui, un groupe comme Radioactivity, c'est un de mes premiers albums que je connaissais d'eux, après Autobahn et tout des trucs comme ça. Je voulais vraiment le voir et ouais, au moment qu'on joue, on dit ok, chouette. Mais aussi qu'ils étaient guisés comme des robots, on ne voyait pas clairement les visages des personnes, rien du tout. Donc, je ne sais pas de dire est-ce que c'était des vrais membres de Kraftwerk à ce moment-là ou pas, ou je ne sais pas du tout. Ouais, donc j'entends que c'est pas forcément un groupe de live, en tout cas pas maintenant. En tout cas, merci. Hein. Franchement, tu nous as tout au long de l'émission fait voyager sur toute la discographie de Kraftwerk. J'avais pas d'opinion sur Kraftwerk. Eh ben, écoute, j'en ai une et ça va peut-être te surprendre, mais vraiment à l'écoute non initiée que à laquelle tu m'as invité. Eh ben, je crois que j'ai une préférence non seulement pour la période Connie Plank, mais peut-être même pour la période pré-Autobahn. Je trouve que par la suite, quand même, on est sur la ritournelle d'un thème, d'un très chouette thème qui se retient facilement, qui se répète avec quelques mots. Je trouvais, moi qui suis toujours à la recherche un peu du sentiment de surprise dans la musique, j'étais beaucoup plus interpellé par ce que tu nous as fait écouter avant Autobahn que par après, où je trouve que bon, ouais, j'ai un peu compris la mécanique, un petit thème sympa électro, ça, il n'y a plus Connie Plank en plus pour faire des espèces d'effets stéréo bizarres ou des effets avalés ou des effets à l'envers. On est sur quelque chose de très froid. J'aime pas trop le son des aigus, pour te dire. Surtout après Autobahn. Je trouve vraiment que ça manque de basse et que les aigus sont un poil agressifs. Enfin, je vois cette musique un peu électronique, froide. Je suis plus touché par quand ils cherchaient leur voix et qu'il y avait un peu de prog et de psyché dedans, je crois. Du coup, j'ai vraiment envie de creuser les albums 1, 2 et surtout le 3e, là, dont tu as passé deux extraits, là, Florian et je sais plus quoi. Ouais. qui... Ouais, ça m'a vraiment plus touché, je dirais. Mais après, c'est une question de goût. Mais en tout cas, j'ai enfin une opinion sur Kraftwerk. Merci beaucoup. Avec plaisir, mais il y a aussi que le premier album, c'est pas le premier album, mais c'était maintenant une dizaine d'années, j'ai trouvé un bootleg de Kraftwerk qui était enregistré en 69-70. C'est plutôt un concert, et là c'est vraiment un concert psychédélique. Donc, et là, comme au début de Kraftwerk, hein, donc c'était vraiment dans ce sens-là qu'ils sont restés dans cet esprit et qu'ils sont évolués plutôt vers le période qui te touche moins. Ok, ben, je te remercie. Il nous reste encore un morceau avant de refaire le récap et tout. Tout à fait, donc on a encore un tout dernier morceau, peut-être un des plus grands tubes de Kraftwerk, c'est Das Modell. 10 modèles de l'album Die Mensch Machine qui était sorti en 78. C'est un morceau assez court dans l'esprit des autres morceaux qu'on a entendus. Donc c'était Das Modell de Kraftwerk de l'album Die Mensch Machine qui était sorti en 78 et je pense qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Mais ouais, tout à fait. Il est temps maintenant d'envoyer le générique. Bonjour les petits enfants. Hey. Et pourquoi ils sont pas là, les petits enfants? Oh, mais pourquoi ils sont pas là, les petits enfants? Ben, je vais vous le dire, parce qu'on en est à 3h13 d'émission, et oui. Donc il est minuit et quart sur Radio. Il est 1h45 sur Bram FM. Oh, les petits enfants là pour le coup, ils sont couchés. Ou alors ils sont peut-être insomniaques, ils ont peut-être des difficultés à faire leur nuit, auquel cas peut-être que ça les aura aidés tout ça. En tout cas, juste dire que tiens, pour la petite anecdote, que c'est la deuxième émission la plus longue de l'histoire de Vraiment Autre Chose. Mais on n'a pas encore terminé. Et elle n'est pas encore terminée, mais on n'atteindra pas les 3h46 de la nuit du Rock in Opposition. Mais on n'en est pas loin, c'est la plus longue de notre tentative d'exploration de la Nurse with Wound List. Et il fallait de la longueur, il fallait du temps pour pouvoir vraiment aborder toutes les facettes de l'œuvre de Kraftwerk et toute leur période, et aussi pour parler des autres groupes dont nous avons parlé ce soir, et nous allons en reparler puisqu'il est temps de faire le récap. C'est parti Nico, c'est toi qui as entamé l'affaire. Tout à fait. Donc on a commencé ce soir avec deux morceaux de Kraftwerk. Le premier, c'était de leur premier album qui s'appelle Kraftwerk, et le morceau s'appelait Rucksack, qui était sorti en 70 sur le label Philips. Et deux ans plus tard, sur le même label Philips, il y avait le deuxième album de Kraftwerk qui sortait, et nous avons entendu le morceau Atom Atom de Kraftwerk. Ouais, magnifique morceau avec des souffles. C'était très bien. Ensuite, on est allé en Grande-Bretagne avec Jan Dukes de Grey, avec un J. C'était le J qui nous manquait. On a écouté un titre de leur album Sorcerer, sorti en 69. L'album, c'était le titre, c'était The Shearing Crowd, pardon. Et ensuite, on a attaqué leur pièce maîtresse, l'album Mice and Rats in the Loft, sorti en 1971. Et on a écouté le titre éponyme Mice and Rats in the Loft. Et ensuite, on est continué avec l'album Rolf et Floria de Kraftwerk, leur troisième album qui était sorti en 73. Aussi, c'était sorti sur le label Philips. Et les deux morceaux que nous avons entendus, c'est l'électrische roulette. Et le deuxième morceau, c'était Cristallo. Ensuite, on est allé de Grande-Bretagne au Japon. On a fait le voyage avec Justin F. Cliff, de son vrai nom Osamu Kitajima. On a écouté donc un titre pour l'anecdote de quand il était en Grande-Bretagne et qu'il faisait de la pop anglaise sous le titre Justin F. Cliff. Le titre, c'était Let's All Sing Together. On était en 71. Et ensuite, on s'est retrouvé au Japon en 74 pour l'album Benzaiten, une petite pépite. On a écouté le titre Benzaiten qui ouvre l'album, et on a écoutez ensuite le titre Tengu Long Nose de Goblin. Et ensuite, on a entendu le morceau et l'album que Manu connaissait, c'est The Autobahn de Kraftwerk, qui était sorti en 74 et c'était aussi sorti sur le label Philips. Est-ce que tu n'aurais pas sauté l'album précédent, Florian, chronologiquement, je crois? Non, on a déjà fait. Ah pardon, autant pour moi. En tout cas, on est allé ensuite en Suisse pour un voyage assez oubliable avec les crocodiles. On a écouté le titre Lady of Attraction, tiré de leur album Invisible World Revealed, sorti en 1971 aussi, décidément. Et ensuite, on a enchaîné avec trois morceaux de leur album qui était sorti en 75, Radioactivity, qui était... plus sur le label Philips, mais sur Capitol Records. Les trois morceaux que nous avons entendus, c'est Geiger Counter, enchaîné directement avec Radioactivity. Et le troisième morceau de cet album-là que nous avons entendu, c'était Antenna. Ouais, ça a été l'occasion aussi pour toi de t'arrêter un petit peu sur les paroles et sur ce que raconte Kraftwerk. C'est un album anti-nucléaire. Tu nous as expliqué qu'ils l'avaient rejoué par la suite après la catastrophe de Fukushima. Il y a toujours un peu de politique qui se mêle à la musique de temps en temps, et ça fait plaisir. C'est pas non plus on n'a pas affaire qu'à des musiciens déconnectés de leur temps. Tout ça pour dire que moi, après, ben, je suis resté à Düsseldorf, justement, avec l'ensemble Cluster. On a écouté donc un titre, Cluster avec un K, on a écouté un titre de leur tout premier album. Le titre, c'était Electric Music und Text. Et on reste à Düsseldorf, mais quand même, on a voyagé avec Kraftwerk, parce que là, nous avons entendu le morceau Trans-Europa Express, qui vont faire le voyage autour de l'Europe, en partant de Düsseldorf, mais il est passé par la France, Paris, tous des trucs comme ça, et que le album était sorti en 77, et c'est le premier album de Kraftwerk qui était sorti sur Kling Klang. Et après, nous avons entendu de trois morceaux de l'album suivant. C'était Dimension Machine qui était sorti en 78, c'est le même label Kling Klang. Les trois morceaux que nous avons entendus, c'est Die Roboter. Le deuxième morceau, c'était Dimension Machine. Et le troisième et dernier morceau d'aujourd'hui, c'était Das Modell. Et voilà, juste pour vous dire que les aventures de l'exploration radiophonique de la Nurse with Wundis, vous les retrouvez sur Mixcloud en tapant Mixcloud Radio Radio ou Mixcloud Vraiment Autre Chose. Sur le compte de Vraiment Autre Chose, il y a une playlist avec toutes les émissions consacrées à cette intrigante et passionnante liste. Cette exploration ne s'arrête pas. On se retrouve jeudi prochain, toujours autour de la lettre K, avec un nouvel invité, Alec, qui nous fera un focus autour de King Crimson. Stéphane sera là aussi pour nous parler de Comintern. Quant à moi, je parlerai de deux autres groupes en K, je ne les ai pas tout à fait en tête. Enfin, on a un long programme. Et puis Nico, j'espère qu'on se retrouve jeudi dans deux semaines, peut-être pour attaquer ensemble la lettre L. Absolument, j'espère que ça peut marcher. On verra dans des jours qui viennent. Carrément. Eh ben, cette émission touche à sa fin. Encore merci, hein, camarade, hein, consacrer autant de temps à de la radio. C'est la classe, c'est l'abnégation journalistique, c'est beau. Merci beaucoup en plus pour tout ce travail de recherche. Tu as mis des morceaux qui ne se ressemblaient pas, c'était varié, c'était chouette. J'ai vraiment passé un super moment. J'espère que c'est votre cas, amis auditrices, amis auditeurs. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.